Depuis plusieurs années, le Journal of Alpine Research, revue de géographie alpine, propose à ses lecteurs et lectrices une rubrique intitulée « Montagnes en fiction ». Nous enregistrons à présent également de courts entretiens. Si le format évolue, la thématique reste identique. Ainsi, chaque interviewé choisit et commente une fiction ou un documentaire lié à la montagne, aux montagnes, que celle-ci soit au centre de l'histoire ou figure comme élément secondaire de la production textuelle, filmique, audio. La montagne et les façons de la représenter, l'imaginer, l'interpréter, la penser, restent au cœur de la réflexion. Plusieurs collègues ont commenté les représentations et imaginaires de montagnes véhiculées à travers des bandes dessinées, des films, comédies ou drames, des mises en scène documentaires, diverses chansons et même un album de sludge metal. Notre première invitée est la géographe spécialiste du paysage, fine connaisseuse notamment du Vercors, Anne Sgarr, qui est également présidente du conseil d'administration de la revue. Elle nous présente une série d'albums jeunesse se déroulant en montagne. Anne, en quelques mots, peux-tu raconter brièvement l'histoire de Mariette et Soupir, par qui elle a été écrite et dessinée, de quand date la série, et tu voulais depuis un moment évoquer cette série pour Montagne en fiction. Donc je me demandais pourquoi tu choisissais cette histoire. Alors, Mariette et Soupir, c'est une série d'une 8 ou 10 petits albums de la littérature enfantine. Alors, petit enfant, hein, c'est vraiment l'âge de 5 ans à peu près, qui raconte l'histoire de deux petites marmottes, donc Mariette et Soupir, et très souvent leur maman, en montagne. Ça date des années 80, ça s'étale sur l'ensemble de la décennie, et l'histoire est écrite par Irène Schwartz, et elle a été illustrée par un illustrateur habitué de la littérature enfantine qui s'appelle Frédéric Ster. Et si ça fait un moment que j'avais envie d'en parler, c'est que je l'ai beaucoup lu à mes enfants, j'aimais bien le lire, parce que ça parlait de montagne, et il n'y a pas tellement de littérature enfantine de toute petite enfance qui se déroule entièrement en montagne. Souvent, c'est des personnages dans les séries qui vont à la montagne, comme on dit, comme ils vont à la mer. Une série qui se déroule entièrement à la montagne, il n'y en a pas beaucoup. Mes enfants aimaient beaucoup, ça faisait partie du top 10 de la lecture de mes enfants. Et puis en même temps, c'est une espèce de concentré de stéréotypes sur la montagne. Et je trouvais ce petit choc personnellement assez rigolo. Et je me disais que pour Montagne en fiction, ça serait intéressant de revenir sur cet exemple-là. Mmh. Alors peut-être pour préciser un petit peu hein, la série, ce qui est intéressant, c'est que donc ces deux petites marmottes, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vraiment des événements qui se déroulent à des moments essentiellement en été, forcément, puisque sinon elles dorment. Du point de vue de la construction, c'est vraiment une construction, là aussi, très classique. Il y a toujours une petite aventure. Souvent, les deux marmottes ont une idée coquine. Elles partent, elles font une bêtise, ou elles ont une aventure, ou elles ont très peur. Et à la fin, elles retrouvent le terrier et maman, et tout va bien. Donc, on est vraiment dans une structure archi-classique. Ce que je trouve aussi rigolo, c'est que, comme on est en montagne, très souvent, cette petite histoire se déroule du haut vers le bas. Le haut, c'est les alpages, c'est le terrier, c'est la sécurité, c'est la douceur de vivre. Et puis, souvent, elle débaroule vers le bas, pour une raison ou une autre. Et puis, le bas, c'est le danger, c'est la peur, c'est l'homme. Donc, je trouvais qu'en termes de structure narrative, c'est assez intéressant. Je ne suis pas sûre que l'autrice l'ait vraiment objectivé, ça. Et puis, du point de vue de l'illustration, ce qui est intéressant aussi, c'est que Frédéric Ster, d'habitude, il dessine à l'aquarelle. Donc, toujours avec des couleurs très douces, des formes très douces, essentiellement des animaux qui sont anthropomorphisés. Et là, on retrouve ce type de dessin Là aussi avec des couleurs très douces, mais c'est au crayon à papier, crayon de couleur. Et ça donne du coup un style aussi de dessin assez particulier parmi les albums enfants. Alors, est-ce que tu peux décrire une scène particulièrement marquante à tes yeux qui résumerait ou illustrerait ton propos jusqu'à présent? Alors, ce que je trouve intéressant, bah, toujours à la fois dans cette structure du haut vers le bas, et puis la place de l'homme, ce qui est incroyable dans l'ensemble des albums, c'est que la trace humaine est quasi absente dans l'ensemble des albums. Je crois qu'on voit qu'une seule fois un être humain, de rares fois, vraiment au fond du paysage, dans la vallée, une maison, un chalet, évidemment, un chalet d'alpage, forcément. Indirectement quelques troupeaux de vaches, troupeaux de moutons. Et là, dans l'album Le Petit Cerisier, Mariette et Soupir, encore une fois, ont dévalé vers le bas pour aller ramasser des cerises, qui n'existent pas, évidemment, dans les alpages. Et donc, elles se gavent de cerises, etc. Et puis, leur maman les cherche. Et puis, d'un seul coup, on voit apparaître en arrière-fond un être humain. Je crois que c'est le seul de toute la série, avec son échelle, qui vient ramasser ses cerises. Et alors là, branle-bas de combat. Tout le monde a peur. On ramasse les affaires et vite, vite, vite, vite, on remonte se remettre à l'abri dans le terrier en altitude. Et c'est assez, je trouve, caractéristique de cette vision de la montagne. Et d'ailleurs, soi-disant en passant, toujours sur les traces humaines, moi, j'ai toujours remarqué un élément clé de ces petites marmottes, c'est que Mariette, qui est un petit peu la grande sœur, même si ce n'est pas dit, elles sont complètement asexuées, hein, ces marmottes. Elle a toujours un grand panier en plastique rouge. Et moi, je l'interprétais comme un signe quand même de la présence humaine, de la pollution, de ces visiteurs qui laissent traîner leurs ordures, etc. Et la petite marmotte l'aurait récupérée. Et j'ai écouté une interview d'Irène Schwartz et Frédéric Ster sur ce panier rouge, qui explique pourquoi ils l'ont choisi. Pas un panier en osier, mais ce panier en plastique rouge vif. Et d'après leur explication, c'était purement, je dirais, esthétique. C'était pour mettre une grande tache de couleur rouge. Et Irène Schwartz, elle dit oui. Et puis moi, je voulais pas un panier en osier. Je voulais vraiment le panier rouge Félix Potin. Donc, ce qui est quand même une référence très, très parisienne, me semble-t-il. Et donc, on voit vraiment ce qui me porte à penser qu'il y a un ensemble de stéréotypes qui sont absolument pas objectivés par les auteurs. Quels imaginaires de la montagne ou quel imaginaire prédomine dans cette histoire et donc est véhiculé auprès des enfants qui lisent cette série? Alors, bon, il faut quand même dire que c'est les années 80, donc tout ce qui pourrait avoir un lien avec le changement climatique ou dégradation des écosystèmes de montagne, on n'en parle pas. Mais ce qui est frappant, je disais, c'est quand même un concentré de stéréotypes. C'est vraiment cette vision complètement idyllique, à la fois par le dessin. Alors, je ne sais pas si Frédéric Ster, là, et je ne l'ai pas entendu le dire, mais moi, je vois quand même une influence de Sam Ivel, quand même, assez claire. Alors, il y a bien sûr les sommets de haute montagne, un petit peu rocheux, mais on est sur des alpages aux formes très douces. Quand il y a un petit peu de neige, c'est vraiment de la neige de Samivelle. C'est pas très varié en termes de faune et de flore, alors à part les marmottes et puis les méchants, l'aigle, etc. Mais en termes de végétation, c'est là aussi, c'est très stéréotypé, c'est essentiellement des conifères. Et puis ces grands alpages avec des rochers où sont installées les marmottes. Donc c'est une vision très, très apaisée, très rassurante. C'est vraiment la montagne des vacances, la montagne où on va se promener, la montagne naturelle, évidemment, je mets d'énormes guillemets, opposée au bas, opposée à la ville, opposée à la société humaine, opposée à la trace, mais sans qu'il y ait vraiment de dénonciation quelque part. Donc plutôt une vision complètement idéalisée de Complètement la montagne. idéalisée. Ouais, complètement idéalisée. Et ça nous parle du rapport de l'autrice à la montagne et peut-être d'une autre aussi, Comment tu l'interprètes? Oui, c'est alors là aussi, j'ai lu un petit peu ses interviews. Donc, elle est parisienne. Elle a d'ailleurs fait une autre série sur une petite souris dans le métro parisien. Et elle, elle le dit que la montagne, elle connaît pas, qu'elle vient pour les vacances, qu'après avoir commencé la série de Mariette et Soupir, du coup, elle s'est un peu plus intéressée aux marmottes. Mais c'est venu par la suite. Et on sent bien qu'au début, c'est vraiment une histoire enfantine à situer dans un milieu complètement idéalisé des vacances et vu de loin, vu de la ville. Sans du tout, j'ai l'impression, de volonté de faire découvrir le milieu de montagne. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un décor qui va venir alimenter l'imaginaire des enfants, comme on va faire... La savane africaine, la jungle, et ben là, c'est la montagne, quoi. Et avec ces animaux qui sont très anthropomorphisés, quand même. Hein. C'est vraiment maman, la grande sœur et le petit frère derrière. Donc, une vision très classique. Absolument classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est ça que je trouve rigolo. C'est à la fois ces petites marmottes, elles sont sympas. Pour l'époque, il y a une volonté. Et puis c'est quand même l'école des loisirs. C'est quand même une maison d'édition qui soigne. Hein, donc il y a vraiment une volonté, je dirais, de montrer l'enfance, de montrer les bêtises, etc. Plein de choses sur la propreté, sur la peur. Enfin, c'est relativement sympa d'un point de vue de la psychologie enfantine. Et puis, ça contraste complètement avec le décor stéréotypique de la montagne. Et c'est ça qui est assez rigolo. Et donc, finalement, ces albums jeunesse ont-ils permis de faire découvrir un pan de la montagne à tes enfants ou pas du tout? Non, pas du tout, heureusement. Heureusement, ils y allaient pour de vrai. et c'est ça, on n'apprend pas grand-chose sur la montagne, c'est pas l'objectif. On n'apprend même pas grand-chose sur les marmottes. Il y a un album qui est un petit peu plus travaillé, je dirais, c'est quand elles se préparent pour aller hiberner. Donc là, du coup, on explique l'hibernation, etc., ce qui va se passer. Puis on regarde quels sont les animaux qui, eux aussi, sont en train de se préparer à l'hibernation et ceux qui, non, vont rester réveillés tout l'hiver. Mais c'est tout. On n'apprend pas grand-chose, ni sur la faune, ni sur la montagne. Donc, non, je ne crois pas que mes enfants aient appris grand-chose sur la montagne grâce à Mariette et Soupir. Et donc, jamais, par exemple, ces petites marmottes ne croisent un sentier de randonnée avec des randonneurs ou randonneuses ou des remontées mécaniques, par exemple. Non, remontées mécaniques, jamais. Non, ça représente vraiment une montagne, mais et puis on a les grandes perspectives sur les sommets. Il n'y a jamais une trace d'occupation humaine. Par contre, il y a un numéro qui est assez rigolo, c'est que un matin, elles sortent de leur terrier et sur la grosse pierre qui est à côté du terrier, il y a une balise de sentier de randonnée encore qui vient d'être tracée, qui est encore pleine de peinture. Donc évidemment, elles s'en mettent partout. Et la maman, alors elle, apparemment, elle a bien compris l'affaire. Elle dit « Oh, mais c'est terrible !» C'est terrible, on va être gêné sans arrêt, les promeneurs vont passer devant chez nous, fini la tranquillité, fini les petites siestes dans l'herbe devant notre trou parce qu'on sera gêné sans arrêt. Et donc là aussi, il y a toute l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis finalement, elles jettent font rouler la pierre en bas de l'alpage, et comme ça c'est les visiteurs qui vont se tromper de chemin. Donc non. Non seulement on le fuit, mais quand on peut l'enlever de la montagne, on le fait. C'est vraiment l'ennemi. L'être humain est un ennemi, ça c'est clair. Presque autant que l'aigle. Oui. Très bien. Je remercie Anne Sgar de s'être prêtée à l'exercice. À bientôt pour un nouvel épisode de Montagnes en fiction.